1 Chronique, chapitre 1. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Methushéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japhet. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarziza, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Fils de Raéma, Seba et Dédan. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamasiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Uts, Hul, Guéter et Méchec. Arpakshad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shéleph, Hatsarmavet, Gérar, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpakshad, Shélar, Héber, Péleg, Réu, Serug, Nakor, Terar, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuar. Fils de Jokshan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Reuel, Jehush, Jaélam et Coré. Fils d'Éliphaz, Théman, Omar, Tsephi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zérar, Shama et Mitza. Fils de Seir, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shefi et Onam. Fils de Tsibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Keran. Fils d'Etzer, Bilhan, Zahavan et Jaakan. Fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Masréka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme Mehetabil, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom.